Chapitre 2. L'ennemi de Joe. Peu après le départ de M. Robinson et des solliciteurs qui l'avaient congédié, on frappa vivement à la porte du cabinet où Joe achevait de reclasser les papiers. Le visiteur n'attendit pas la réponse pour ouvrir et pénétrer dans la pièce. Il se laissa tomber sur un fauteuil avec le sans-gêne d'un familier de la maison. C'était un grand gaillard, jeune encore, autant qu'on en pouvait juger sous le masque d'usure professionnelle qui plombe de bonne heure certaines figures très parisiennes. Comme les corsaires de haute mer, les écumeurs du boulevard ont leur hâle signalétique, mais ce n'est pas le hâle coloré qu'apportent les brises marines et les embruns. Il semble que l'asphalte, longtemps foulé, ait déteint sur ses faces terreuses, tannées par le noctambulisme et les perpétuels excès de dépenses nerveuses, recuite aux flammes tardives du gaz dans les cafés, les théâtres, les salles de rédaction. Elles acquièrent ainsi cette patine précoce qui les vieillit d'abord, les conserve ensuite, les maintient à peu près invariables entre 35 et 65 ans. Sur ce visage où l'estampie parisienne recouvrait un type méridional très marqué, tous les traits se prononçaient en saillie, et comme en quête du vent. Le front bombé, le nez pointu, flaireur, les lèvres charnues, les dents supérieures un peu déchaussées et proéminentes, le menton affilé en éperon de croiseur, jusqu'aux yeux verrons légèrement saillants hors des orbites, toujours en mouvement, empressés à happer tout ce qui passait dans leur champ de vision. Figure plutôt agréable, en somme, grâce à son extrême mobilité, à l'animation que lui communiquait une intelligence à fleur d'épiderme. Elle était encadrée d'une barbe noire en pointe, frisottante, de cheveux noirs coupés ras sur l'occiput, déjà clairsemés sur les tempes. Le chef apparut dégarni quand le visiteur déposa le chapeau à haute forme qu'il avait gardé sans façon, un de ces chapeaux à bord mince et plat, qu'on doit croire propice au travail cérébral, car il reste obstinément vissé sur les crânes qu'il coiffe de préférence et qui sont des crânes de peintres, de pianistes, de journalistes, d'auteurs dramatiques. Une élégance un peu débraillée s'accusait dans l'ensemble de la mise, dans le complet matinal en lainage d'un gris trop clair, dans l'écharpe trop rouge de la cravate, dans le cuir trop jaune des brodequins. « Bonjour, Joe. Part-il, patron? Reviendra-t-il bientôt? Bonjour, monsieur Moucheron. Monsieur Archibald Robinson vient de sortir. Je pense qu'il rentrera à 11 heures. » Le ton cérémonieux de cette réponse, fait avec l'accent sévère d'un garde-chasse qui défend la garenne du châtelain contre un braconnier, témoignait d'un goût très modéré pour l'envahisseur du bureau. Joe Butler, jeune commissaireux et laborieux, de bonne souche irlandaise, ne se fut pas permis de discuter l'une quelconque des préférences du maître génial qu'il révérait à l'égal d'un dieu. Il acceptait comme un mystère, sans se l'expliquer, la faveur dont M. Robinson honorait ce français tumultueux, familier, un très proche parent, sinon même un sosie de Méphistophélès, dans l'opinion de l'honnête Joe. Vis-à-vis de ce compagnon énigmatique et gouailleur, le secrétaire se retranchait dans une dignité défensive. Il exagérait sa gravité naturelle, son mutisme de jeune serviteur initié au secret d'une grande puissance. Énigmatique, Émile Moucheron. Il fallait toute la candeur d'un étranger fraîchement débarqué pour qualifier ainsi ce personnage représentatif. Fils d'un petit drapier de Villeneuve-sur-Lot, Émile avait d'abord enorgueilli son père par ses succès au lycée d'Agen. Le drapier s'était saigné pour compléter à Paris l'éducation du garçon. Un si brillant sujet ne pouvait devenir qu'un fonctionnaire distingué. Les succès scolaires n'avaient pas continué au lycée Louis-le-Grand. Après un échec piteux aux examens de l'école normale, le fils Moucheron s'était lancé dans le journalisme, du mouvement naturel d'un jeune canard qui se jette dans l'étang. Son esprit souple et vif y avait réussi. Il brassait avec la même facilité le reportage, le théâtre, la politique, mais une humeur inconstante le promenait de feuille en feuille. Il ne sut s'enraciner nulle part. De temps à autre, il quittait le métier pour faire des extras en ville, comme il disait. Gérant du cercle progressiste de l'Ouest, secrétaire d'un député, d'un préfet, attaché au cabinet d'un ministre qui dura 6 semaines, Émile revenait toujours à ses salles de rédaction où il nageait dans son élément. Il avait connu des années de famine et des mois d'opulence relative, quand une collaboration à quelques pièces de théâtre bien parties le remettait à flot. Deux ou trois fois, près de couler dans les bas-fonds de la misère parisienne, toujours pêché par les camarades, car il était bon diable, facile à vivre, adroit à toutes les besognes, industrieux et actif sous l'éperon du besoin. Cet éperon se faisait souvent sentir, d'autant plus qu'Émile avait, disait-il, de lourds devoirs dans la banlieue. Il était en effet homme de devoir à sa manière. Ses intimes lui connaissaient là-bas, très loin, derrière l'observatoire, une femme et une petite fille qui grandissaient dans ses bas percés. Une réparation irréparable, soupirait-il en parlant du légitime mariage généreusement contracté avec cette ancienne, quand il y faisait allusion dans l'oreille de la jeune figurante des bouffes, qui l'en consolait. Quelques louis tombaient-ils d'une caisse de journal ou de théâtre? Émile emportait la dîme à l'observatoire. Madame Irma Moucheron recevait la manne en grognant, réclamait le reste, vidait les poches de l'époux et le gratifiait ensuite d'une atroce scène de jalousie. Émile décampait, s'évaporait pendant des mois, reparaissait quand une lettre de la petite Célestine venait attendrir ce père intermittent à son bureau de rédaction. Il semblait que la fortune voulût enfin lui sourire sous les traits de M. Archibald Robinson. Rapproché de l'Américain par un heureux hasard, Moucheron avait dextrement amarré sa barque à cet énorme galion. Officiellement, il était le correspondant parisien du journal que le financier éditait à New York. Convenablement rétribué de ce chef, il avait en outre conquis ses entrées dans le cabinet de M. Robinson durant les courts séjours que le patron faisait à Paris. Ce grand travailleur l'y tolérait comme un fox-terrier dont les gambades amusaient ses minutes de relâche. Il se divertissait au bagout d'un être d'espèce si différente. Cet homme d'action et de spéculation, qui avait horreur des inutiles, disait parfois à son protégé « Moucheron, vous êtes ma seule inutilité ». Il ne le pensait qu'à demi. Copain de tout ce qu'il y a de journalistes dans Paris, habitué à frapper sur tous les ventres du palais Bourbon, frotté de longue date à tous les remueurs d'affaires du Parlement, des ministères, de la moyenne finance, Émile était un excellent rabatteur d'hommes, un intermédiaire sans conséquence, des meilleurs pour nouer une négociation ou faciliter un rapprochement. « Je croyais, M. Moucheron, que vous amèneriez l'officier attendu par M. Robinson. »« Non, Joey. Ce militaire a pour l'instant d'autres devoirs. Vous le contemplerez avant midi s'il me tient parole. Patientez, tandis que votre patron gagne quelques millions. » Car il aura gagné quelques millions de plus dans sa matinée. Il est chez le ministre des Finances, n'est-ce pas? Ah, il ne lui faudra pas longtemps pour rouler ce butor de paffetin. Un comptable qui ne peut pas même aligner les chiffres de son budget sans se tromper d'une centaine de millions. Non, je me figure le paffetin, le petit usurier de province se débattant entre les griffes du maître de la mer. Doit-il être chétif, assis en face de l'homme fabuleux, du premier des fils d'Adam qui aura possédé cette fortune absurde, $1 milliard? Avouez la vérité, Joey, c'est bien vrai que M. Robinson possède 5 milliards de francs? Le secrétaire, toujours occupé à ses rangements, ne répondit que par un petit haussement d'épaule, de l'air ennuyé d'un homme qui subit les sottes questions d'un enfant mal élevé. 5 milliards! Il y a 20 ans, il logeait à l'enseigne de la Lune. Il se demandait, comme moi, comme vous peut-être, sauf votre respect, où il mangerait le soir. Pensez qu'il a commencé avec rien. Vous faites erreur. M. Archibald Robinson a commencé avec sa volonté. Oh, de la philosophie. Allez donc voir à la Banque de France combien elle vous avancera sur ce capital, votre volonté. Dites-moi, mon bon Joey, si vous étiez à la tête de 5 milliards, qu'est-ce que vous en feriez, vous? Moi, je sais bien. D'abord, je me souviendrai que je suis père. J'élèverai, je doterai Célestine de façon qu'elle épouse un prince médiatisé, ou même régnant. Puis je prélèverai 100 millions, s'il les fallait, pour casser les reins à cet animal de Mirveau, le ministre qui a rayé mon nom sur la liste des croix du 14 juillet. Avec 100 millions bien employés, on doit porter bas un ministre, que diable! Oh, la vengeance, la savoureuse vengeance! Je serai très charitable. Je fonderai un hospice pour tous les scrofuleux de Lot-et-Garonne avec mon buste dans la cour d'honneur. Et puis, bon, je me ferai nommer président de la République. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je ferais bien encore? Vous ne pouvez pas le savoir, monsieur Moucheron. Si vous aviez le tour d'esprit qui permet d'acquérir une grande fortune, toutes vos opinions sur la façon de l'employer en seraient changées. Joey, vous rendriez des points à l'ecclésiaste. Vous avez peut-être raison, mon ami, mais je parie que vous me jugez sans équité. Vous croyez que je suis comme les autres, que je m'attache à votre patron parce qu'il dégoûte de l'or dans son sillage. Dame, ça ne refroidit pas mon zèle, j'en conviens. Mais M. Robinson n'aurait plus un sou que vous me verriez quand même ici. Il me plaît, cet homme. Je l'aime, je le révère, entendez-vous? Ah, s'il travaillait comme ses pareils dans les matières prosaïques et fétides, dans les pétroles, les guanos ou le port de Chicago, je crois bien que je n'eusse jamais pensé à le fréquenter. Le maître de l'air a conquis l'artiste, le poète que je me flatte d'être. Oui, quand la vie ne m'accable pas, je suis poète avant tout, Joey. Lorsque vous serez mieux familiarisé avec notre prosodie nationale, je vous ferai hommage du volume de vers que mes aveugles contemporains laissent moisir chez le maire. La Sylve Vierge, c'est un titre, ça? Et que dites-vous des quatre sous-titres, les essences, les fleurs, les serpents, Lucus in Luce? Qui sait? Vous me comprendrez peut-être mieux que nos stupides parisiens, vous, candide arrière-neveu de chaque tasse. Et vous comprendrez que j'étais séduit par ce pêcheur miraculeux jetant son filet d'or sur l'infini des mers. Tiens, un alexandrin, et pas mauvais, je le noterai. C'est curieux, ils viennent d'eux-mêmes quand on parle de cet homme épique. Oui, épique. Il a réhabilité les milliards, Joey. Avec lui, le vil capitaliste rentre dans la grande lignée poétique. Il est homérique, il est échilien, vous dis-je. De ce maître de la mer, les anciens eussent fait un mythe, un demi-dieu. Je ne puis plus le voir que je ne songe à tous les héros du cycle neptunien, aux grands dompteurs d'océans magnifiés par la légende et l'histoire. Jason, les Argonautes, Xerxès, faisant fouetter la mer qui lui résistait. Salomon équipant les flottes qui rapportaient l'or et les aromates des rivages d'Ophir et d'Azion-Gaber. Les Vikings, ses véritables ancêtres, poussant leurs barques à la conquête du monde. Charles Quint et son empire où le soleil ne se couchait jamais. Philippe II courbant les vagues sous l'invincible armada. Mais que pèsent-ils tous ensemble en regard d'Archibald Robinson? Des canotiers. Un canotier aussi, cet autre qui vient de chez vous nous ébobir un moment à la fin du siècle dernier. A-t-on fait assez d'histoire avec son trust de l'océan? Un joujou d'enfant en comparaison de l'UST de l'Universal Sea Trust. Un pauvre petit milliard travaillant sur un pauvre petit océan. Une rafle vulgaire de passagers et de marchandises sur la flaque d'eau atlantique, et l'on s'extasiait. On admirait cet humble précurseur, ce pichegru, ce moreau, et Napoléon allait paraître. Il veut, lui, il prend tous les océans, l'Atlantique et le Pacifique, le Boréal et l'Austral. Toutes les mers, la noire, la rouge, la jaune, toutes les baies, toutes les sirtes, tous les havres, tous les bateaux. Qui donc a dit que Dieu pense par planète? Eh bien, sa plus énorme créature, Archibald Robinson, pense par continent. Il est celui dont parlait Job, l'esprit qui va susciter Léviathan. C'est dans ses yeux, dans ses larges yeux, qu'on aura vraiment vu toute une mer immense où fuyaient des galères. Joe recevait ses douches lyriques avec l'habituelle perplexité d'âme où le jetaient les discours de Moucheron. Il va sans dire qu'une bonne moitié des mots étaient pour lui de l'hébreu. L'autre moitié, celle qu'il entendait, lui plaisait par l'évidente sincérité de l'enthousiasme. L'hommage rendu à son idole amenait sur sa face ronde un bon sourire approbatif. Et pourtant, jusque dans cet enthousiasme, il soupçonnait une ironie cachée qui réveillait ses défiances. Comme à la plupart des étrangers, ce lui était une gêne insupportable de ne savoir jamais si le Parisien parlait sérieusement, alors même qu'il disait des choses justes et senties. Mais le savait-il lui-même, l'impulsif toujours emporté par son imagination, toujours pressé d'en sourire au moment qu'il y cédait? Savait-il où finissait l'emballement, où commençait la blague? À quel instant il crevait d'un geste gamin les beaux cerfs volants qu'il lançait? Le Robinson a aussi mon estime, reprit-il, parce qu'il conduit ses dollars et ne se laisse pas conduire par eux. Ce sont des soldats, 1 milliard de soldats qu'il mène à la conquête du globe. Il les fait manœuvrer glorieusement comme Alexandre sa phalange, César ses légions, Bonaparte ses demi-brigades. Il est l'impérator moderne. Il est un soufflet vivant, si j'ose dire, un magnifique soufflet appliqué sur les museaux de tous les imbéciles qui veulent voir une démocratie dans votre état féodal. Il nous donne gratis, c'est d'ailleurs la seule chose qu'il donne gratis, le spectacle de la vie inimitable. Hier, au fond du Far West, en train de monter quelque affaire gigantesque, ce soir à l'Opéra de Paris, entouré d'une cour aussi happée, aussi servile que celle de Louis XIV. Demain, sous quelque tropique impossible, dessinant le port qu'il va creuser chez les sauvages. Il fait tout, il voit tout, il sait tout. Même les secrets de notre damnée langue française que les Français ne savent plus. Tenez, à 7 heures, il discute avec Pafetin. Je jurerais que c'est Pafetin qui écorche la syntaxe. N'est-ce pas ? Interrompit Joey, décidément apprivoisé. N'est-ce pas qu'il la parle bien, votre langue difficile ? Quand M. Robinson débuta dans les affaires, tout jeune, la maison de New York où il travaillait l'envoya dans son comptoir de Québec. Il a passé 6 années au Canada français. Il y a gagné l'aisance de son parler. Et ce fut là qu'il me prit, 15 ans plus tard. J'occupais à mon tour la place modeste où il avait servi. Un jour qu'il passait à Québec, M. Robinson me convoqua sans me connaître et me garda à déjeuner. Le lendemain, il m'offrait auprès de lui la situation inespérée où vous me voyez. Depuis, je me suis enhardi une fois à lui demander pourquoi il m'avait honoré de sa confiance. Il m'a répondu « Je me décide vite, Joey. Dès la côtelette, j'avais résolu de vous engager. Mais je pense que j'ai dû ma chance à un retour qu'il faisait sur lui-même. » « Je le reconnais bien, là, » continua Moucheron. « Hélas, que n'ai-je mangé cette côtelette avec lui ?» Oui, il sait tout, et il devine le reste. Il vous vit d'un homme d'un coup d'œil. À peine s'il vient de loin en loin camper quelques semaines dans ce bureau, comme un général en tournée d'inspection, et la forêt parisienne n'a pas de mystère pour lui. Il y connaît le poids et le prix de chacun de nos pantins, les ficelles par où on les tire. Il lit au fond des consciences quand, par hasard, il en rencontre dans ce pays-ci aventure assez rare, et si simple pour lui-même, lorsqu'il ne juge pas utile d'éblouir les badauds par son faste, prodigue de sa peine, dur à la fatigue, sobre comme un chameau. Je sais des zingueurs à Charonne qui ne se contenteraient pas de son ordinaire. Pourtant, il possède un estomac bon à recevoir les grosses bouchées de la fortune, comme disait de son homme de cour Balthazar Gracian, un excellent auteur, Joey. Et si délicieusement loufoque par certains côtés, on le croit occupé à machiner le bilan de quelque opération monstrueuse, on le surprend plongé dans la lecture de ce bouquin. D'un mouvement rapide, que Joe ne sut pas devancer, l'indiscret Moucheron attira le gros volume posé sur la table. Le livre s'ouvrit sous sa main, à la page marquée par une fiche de papier. Ce papier était un talon tchèque, arraché d'un vieux carnet et reconnaissable aux filigranes d'une des grandes banques de New York. Le crayon du lecteur y avait jeté, d'une écriture ferme et fine, cette citation relevée sur le texte anglais de la page en regard. Le nombre des enfants d'Israël sera un jour comme celui du sable de la mer, qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Et dans le même lieu où on leur avait dit « Vous n'êtes point mon peuple », on leur dira « Vous êtes les enfants du Dieu vivant ». Après cela, les enfants de Juda et les enfants d'Israël se réuniront ensemble. Ils s'établiront un même chef, et ils s'élèveront de la terre parce que le jour de Jézraël sera grand. Osée 1, 10, 11. Admirable, s'écria Moucheron. Un verset du prophète Osée sur un talon tchèque, c'est tout l'homme. Joey s'empara vivement du volume et le serra dans une armoire. Laissez le livre. Monsieur Robinson y tient beaucoup et ne veut pas qu'on y touche. Cette Bible fut apportée d'Angleterre en Amérique par un des émigrants du Mayflower. La date et le nom inscrits à la première page en font foi. M. Robinson désirait fort un exemplaire de cette provenance. Il l'a longtemps cherché. Il a payé celui-ci très cher. « Phénoménal !» continua le journaliste, comme se parlant à lui-même. « Pourtant, le Robinson n'a rien de juif, pas une goutte du sang d'Abraham. Au fait, puisque les propriétaires naturels de ce livre y ont appris pendant tant de siècles l'art de drainer tout l'or disponible, pourquoi d'autres n'y chercheraient-ils pas aujourd'hui ce précieux secret ? Joey, nous ne lisons pas assez la Bible, mon ami. C'est peut-être pour cela que nous sommes pauvres. Elle doit enseigner le moyen d'acquérir les richesses. Allons, ne vous fâchez pas, ne prenez pas votre air scandalisé. Que diable, on ne peut jamais plaisanter avec vous. À propos, est-il vrai que M. Robinson ait acquis pour 3 millions la galerie de tableaux du comte Léon Abravanel, le grand spéculateur qui a raté son coup sur les métaux? Ne faites pas le mystérieux, inutile. Votre patron ne peut plus éternuer que tout Paris ne le sache. Les journaux guettent ses moindres faits et gestes. Un renseignement exact sur la maison où il a dîné, cela se paye plus cher qu'un tuyau sur les projets du ministère ou sur la pièce nouvelle que va jouer Rose Esther. Comment serait-il autrement? Depuis le trottin jusqu'aux empereurs, tous les lecteurs du journal n'ont qu'un désir, voir le maître de la mer, lui être présenté s'ils sont de taille, obtenir un mot du dictateur des imaginations. Louis XIV, vous dis-je. Donc l'état d'âme des sujets de Louis XIV. Voyage-t-il? Les souverains lui font « pst, pst ». Les plus gros l'accueillent comme un égal, les moindres comme un maître. Car ce particulier peut faire pour beaucoup d'entre eux plus qu'ils ne peuvent faire pour lui. Et les belles dames, doit-il emmener ici des grandes, des petites, hein, Joey? C'est bon, on ne vous questionne pas. Ne rougissez pas, pudique Huron, rentrez votre méchante grimace. On sait bien que M. Robinson est au-dessus des faiblesses humaines, comme il est au-dessus de tous ces faibles mots que balbutie notre admiration. Tenez, devant le maître de la mer, il n'y a qu'un mot qui vaille, et c'est un grand français qui l'a dit. Que d'eau, que d'eau! Si courte que fût son érudition en matière de mots historiques, Joey comprit à l'intonation que son persécuteur se moquait de lui. Il s'assit devant la machine à écrire et adapta une feuille de papier. « Je vous demande pardon. Je dois expédier un travail urgent. » Moucheron fit encore quelques tentatives pour renouer la conversation. Le secrétaire ne l'écoutait plus, il martelait le clavier de la machine. De guerre lasse, Émile s'enfonça dans le fauteuil, étendit ses longues jambes, tira de la poche de son veston une liasse de journaux. Sa pensée, un moment envolée sur les océans pour y suivre celle de M. Robinson, se rabattant de toute la force de l'habitude sur les événements parisiens. À la lecture des filets qui racontaient le début de Mademoiselle X au vaudeville, l'algarade de M. Y à la chambre, le scandale du procès Z au palais, une expression d'intérêt concentré se peignait sur cette physionomie mobile. La même expression qui transfigurait le maître de ce logis quand son regard embrassait le globe terrestre. Du contenu de ses papiers, de l'odeur fraîche d'imprimerie qui s'en dégageait, une légère griserie montait au cerveau du boulevardier. Ce chinois de Paris avait retrouvé sa pipe d'opium. Dans ses yeux passaient les béatitudes d'un fumeur invétéré qui renifle l'arôme du stupéfiant quotidien.